est pratiquement 14h. S comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Il est 14h02, voilà, si le retour avec une mission souvenir, les chansons anciennes. Et ben, je suis très heureux de vous retrouver. Et ben ouais, j'apporte le beau temps avec beaucoup de chansons différentes. Et puis on va débuter l'émission avec tout simplement, il va parler moi d'amour avec Lucienne Delisle. Et puis j'espère aussi que vous avez passé une bonne semaine. Et bien voici donc les chansons souvenirs. Cependant, je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix dans son caressant, il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Mon cœur n'est pas là de l'entendre. des trésors, des princes fous. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies apaisie et se console d'un baiser. Du corps, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Va rebondissons, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Petit bras autour de mon cou. Chut. ne bougez pas, je vous en prie. C'est l'amour dans mon cœur qui frappe les trois coups. Je sens votre cœur soupir, j'avais bien raison d'oser. Vous valez mieux qu'un sourire, vous valez mieux qu'un baiser. Je connais des amants frivoles, ils font pendant quelques instants trois petits tours et puis s'envolent. Je veux vous aimer plus longtemps. Vous valez mieux qu'un sourire, vous valez mieux qu'un baiser. Un baiser ne peut suffire maintenant à m'apaiser tout ce que mon cœur désire. Vous pouvez le supposer, c'est beaucoup mieux qu'un sourire, c'est beaucoup plus qu'un baiser. Pourtant, j'en suis bien sûr d'avance, ces beaux yeux me rendront malheureux. Souffrir, mais ça n'a pas d'importance, c'est le prix de l'amour, je veux payer pour deux, et je n'aurai qu'à me dire, si vous me tyrannisez, vous valez mieux qu'un sourire, vous valez mieux qu'un baiser. Les disputes, ça débute, on ne sait jamais comment. Il n'y a rien de plus embêtant quand arrive l'invective, qu'on se traite. Voici donc, eh bien, juste après Maurice Chevalier, voici Roger avec Je t'emmène à la campagne. Que je sors ma jolie petite voix de ténor pour faire taire l'adversaire qui m'engueule comme un démon. Je lui dis doucement, je t'emmène à la campagne. C'est tes ballons, prends ton vélo, ton caleçon bain, ça fait mondain. Je t'emmène à la campagne. Grouille-toi un peu de faire tes adieux, le chef de gare est en retard. Tu verras la nature, tu pourras faire une cure. Malgré que tu fasses des magnes pour ta santé, moi je t'emmène à la campagne. Cette phrase qui se case dans le cerveau des Parisiens et des Français moyens se répète et s'apprête à devenir dans les carrefours le nouveau cri du jour. Je ne vous cacherai pas plus longtemps qu'on peut m'accompagner en chantant, vous les basses à voix basse et les ténors, les barytons. Chantez bien dans le ton, je t'emmène à la campagne. Fais tes ballots, prends ton vélo, ton caleçon bain, ça fait mondain. Je t'emmène à la campagne. Grouille-toi un peu de faire tes adieux, le chef de gare est en retard. Tu verras la nature, tu pourras faire une cure. Malgré que tu fasses des magnes pour ta santé, moi je t'emmène à la campagne. Tu verras la nature, tu pourras faire une cure. Malgré que tu fasses des magnes pour ta santé, moi je t'emmène à la campagne. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc, eh bien, du jazz. Suddenly love died, the story ends. And where just friends. Just friends, lover no more. Just friends, not like before. To think of what we've been

t'appelle, lui et moi, c'était écrit pour la vie. Si belle, gondolier, quand tu chantais. Prends mon cœur, et si tu m'aimes, je t'aimerai bien plus encore. C'était là, c'était le nôtre, gondolier. Si tu le vois, petite étoile qui s'allume à l'horizon, et cette petite étoile brille aussi sur ta maison. Séparée de toi, je pleure, mais comme tu l'as promis, s'est posée sur elle aussi. Qui pourrait donc mieux comprendre tes amoureux et m'offrir le reflet tendre de tes grands yeux bleus. Et je confie la promesse de t'aimer mieux chaque jour avec mes folles caresses à l'étoile de notre amour. Quand la nuit tombe sur la ville, je cherche par-dessus les toits un petit clou d'or qui scintille pour lui parler un peu de toi. C'est une petite étoile qui s'allume à l'horizon, et cette petite étoile brille aussi sur ta maison. Séparée de toi, mais comme tu l'as promis, ton regard à la même heure s'est posé sur elle aussi. Qui pourrait donc mieux comprendre des amoureux et m'offrir le reflet Je confie la promesse de t'aimer mieux chaque jour avec mes folles caresses à l'étoile. l'étoile de notre amour. Voici donc qui s'appelle Charles Trenet avec les jeunes années. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chante les souvenirs, chante ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais fini. Et comme les bergers des montagnes de France chantent le ciel léger de mon beau pays. Parfois loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes, loin les fraîches chansons des eaux, loin les cascades qui grondent, je songe, et c'est là ma chanson, au jour béni des premières saisons. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chante la mélodie qui berça mon cœur. Chante les souvenirs, chante ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais finis. Et comme les bergers des montagnes de France chante le ciel léger de mon beau pays. Voilà donc, bien, si vous êtes bien à l'écoute d'Arc-en-Ciel, la radio tout en couleur, eh bien, j'espère que vous passez un très bon après-midi en ma compagnie sur Arc-en-Ciel avec les chansons toutes en couleur. Et voici tout simplement, eh bien, bonjour à Pam, une amie de Thionville, en duo avec La Différence, avec Lily et Harmonie. Donc, un petit bonjour à vous deux et puis ainsi à son fils. Un petit coucou. Voilà donc, eh bien, voici donc le titre de la chanson La Différence. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps, hanté. Comme ces deux hommes qui dansent les autres gens qui s'aiment si fort, qui s'aiment comme on dit normalement. De cet enfant tellement absent, ce même du sang qui court et tue si librement. Leurs yeux ne s'éloigneront jamais par négligence. Ils se reconnaissent la pivoise comme ces deux femmes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier, elles s'aiment en silence. Sans jamais mentir ni se retourner, elles se font confiance. Si vous saviez comme elles se foutent de nos injures, elles préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murmures. Et danse aux accents à la cadence d'une musique qui fait rang comme si et puis rang comme ça. Les laquais se sont levés tôt pour astiquer des plateaux qu'ils balancent plein d'aisance, présentant des petits beurres exquis. C'est la fête qui s'apprête chez le mécène Randowski. Le consul du Pérou n'a pas vu qu'il y a un trou au revers de sa jaquette, et pendant qu'il fait la quête pour une œuvre insensée, celle des éléphants délaissés, un ambassadeur s'énerve devant un buste de Minerve. D'une phrase en extase, il détaille les contours charmants de la statue dévêtue, mais pas impudiquement. Soudain la Traviata retentit dans le galetas. C'est la voix d'une femme de chambre qui de janvier à décembre fait étale son détour d'un cristal de coloratour. Si l'on demande au mécène quand va-t-elle monter sur scène, il hésite, cette petite, oui je crois, est fort bien chez moi, et je gage que ses gages seraient plus bas à l'opéra. Mais un petit incident, ou plutôt un gros incendie, rend ce beau monde hystérique. On applaudit en panique, le quadrille est lancé, dansé par les sapeurs-pompiers. Je vois un manteau de loutre, prisonnier sous une poutre. Dans sa loge, j'interroge la concierge, une centenaire. Elle déclare, c'est bizarre, j'aurais préféré le tonnerre. La fête est terminée, les dames sont désenfarinées, et leurs belles robes de moire sont remplies de taches noires. Dès demain, chez le coiffeur, elles changeront leurs cheveux de couleur. Quant au nonce apostolique, il a toujours la colique. D'art, d'art, on se sépare, Et dehors, y a un peu de crachin. Le mécène quitte la scène et dit à mardi prochain. Lolololololo, à mardi, mes amis. À mardi. Voici des couplets qui, je crois, pourraient bien être la lettre d'un père à son fils. Au bal. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moqueur seront tous en du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir de velours et si tendre. Souvenir si charmant et si beau tout en écoutant tous les contes jolis du printemps qui fleurit, ces images restent toujours dans mon cœur. Près d'elle, on s'attarde, assise dans un coin. Grand bonheur, sa tendresse reste toujours dans mon cœur. Vous avez pu entendre Tonya avec les souvenirs. l'essentiel. Voilà que déjà, je ne pense qu'à nous. Est-ce la danse qui me trouble ainsi? Est-ce la danse ou vos yeux éblouis? Rumba, dans les bras de l'amour, mais voilà qu'à mon tour, je vous aime déjà. Voici André Claveau avec Olivia. Ce ruisseau qui coule, coule, coule, ton pied l'a souvent caressé. Le caillou qu'il roule, roule, roule, ta main l'a peut-être lancé. Le moulin qui fait tourner ses ailes, tes yeux l'ont souvent contemplé. Le joli chant de la tourterelle, ta voix l'a souvent imité. Olivia, la vie était belle. Rappelle-toi. Mais le temps s'écoule, coule, coule, comme du sable entre tes mains. Et la vie déroule, roule, roule, sous tes pieds son rude chemin. S'il est rare qu'une tourterelle se blesse les ailes en tombant, il se peut qu'un cœur de demoiselle se fasse très mal en aimant. Olivia, on n'est pas de peine. Olivia, oh, rappelle-toi. Le temps qui coule, coule, coule, ne t'apporte pas que des joies. Si les chagrins roulent, roulent, roulent, comme des cailloux sous tes pas, tu reprendras courage et confiance. en puisant un peu de fraîcheur dans le clair ruisseau de ton enfance, au jardin secret de ton cœur. Olivia, si tu te rappelles, Olivia, ce joli temps-là, ce joli temps-là. Voici Lily Vincent, cherche une étoile. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Si l'amour en passant t'a fait mal, n'attends pas que la vie te relève. Cherche une étoile, si l'ami que tu croyais sincère a trahi ton plus bel idéal, garde-toi de lui jeter la pierre. Cherche une étoile, car au milieu des plus froides nuits, si lourd que puisse être ton cœur, pour toi seule, une étoile luit ta chance, et qui sait ton bonheur. Tu n'es pas un enfant solitaire, ni perdu dans un monde infernal. Tu possèdes là-haut ta lumière, c'est ton étoile. Dans la nuit des plus grandes riche ou pauvre, il n'est plus de rival. L'important, c'est de croire sans cesse à son étoile. Voici quelques morceaux portugais. Un petit bonjour à Florian. Voici donc, voici pour lui. Não fazer um homem português que também tem beleza e suporte. סיבה מושבל וכשתודה a Mas depois veio outro dia e comigo a magia em meu olhar. Virgem mãe tão poderosa, trago comigo uma rosa para te dar. Vou te agradecer por tudo e pedir-te para não me abandonar. Rezo em Fátima, te imploro, cuida de quem tanto adoro para mim. E protejo os meus amigos que estão sempre comigo para me ouvir. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dá-me coragem com a tua luz, nesse teu manto cheio de cor, me refugio para um dia melhor. Nossa Senhora, confio em ti, pois sei que um dia vou ser feliz. Por isso eu rezo com tanto amor. Nossa Senhora, bendita sois vós. Nesse teu manto cheio de cor, me refugio para um dia melhor. Nossa Senhora, confio em ti. Nossa Senhora, bendita sois vós. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2. 96.2 Arc-en-Ciel. Le soleil de l'horizon, Lynn Renaud. Quand le soleil descend sur l'horizon, j'entends au loin l'écho d'une chanson, et je sens mon rêve s'envoler tendrement. J'ai durant bien des nuits préparé pour lui mes plus beaux atours, ma jolie robe de velours, ah, ah, mon corsage en lino, mes petits jupons, ma chemise à jour. Tout n'attend plus que son retour. Quand le soleil descend sur l'horizon et que la nuit entre dans ma maison, en rêvant, j'entends le vent qui chante pour moi, tout bas, tout bas. Un jour il reviendra, et malgré les jours qui passent, jamais mon cœur ne se lasse. J'attendrai toujours, toujours son retour. Quand le soleil descend sur l'horizon, j'entends au loin l'écho d'une chanson, et je sens mon rêve s'envoler tristement. Là-bas, là-bas, vers celui que j'attends. Je ne mettrai jamais mon linge brodé ni mes beaux atours, ma jolie robe de velours, mon corsage en lino, mes petits jupons, ma chemise à jour, qui n'attendait que son retour. Quand le soleil descend sur l'horizon, maison. Mais hélas, le vent d'hiver pour moi, tout bas, il ne reviendra pas. One ticket, please. Now, where's everybody's here? Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Away. Yeah, right there, where I'm gonna stay. Cette musique de Barry White, eh bien, je fais un petit coup à mamie, disons Brice, qui est avec moi. Donc un petit bonjour quand même. Alors, je voudrais faire une dédicace pour Armel et Achille. Voilà, de Jacques Brel, me ne quitte pas. Si tu as ça dans tes archives. Oui, exactement. Et après, juste avant, c'est Edith Piaf aussi. Oui, voilà, Edith Piaf pour Armel et puis Achille. D'accord. Et eh bien, c'est parti. On les écoute pour eux. Et après, on revient. D'accord, bien sûr. Voilà, pour Armel et Achille. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Voilà bien.

normal. Hein. Non, mais moi, je prévois une météo pour ce week-end, le samedi. Hein, samedi matin, 21 degrés, hein, quand même, que je vous annonce. Et tout l'après-midi, entre 29 et 30 degrés pour l'après-midi. Et dans la nuit, il faut compter à peu près dans les 17 degrés, quand même. Hein. D'accord. La nuit du samedi à dimanche. Ok. Voilà. Ben, et toi, quand tu seras parti de l'autre côté, tu penses qu'il fera combien? Ben moi, au Maroc, on peut annoncer quand même, il fera entre 40 et 45 degrés, voire 50 degrés, en plein mois de juillet. D'accord. Mais toi, tu as l'habitude, apparemment. Oui, moi, j'ai l'habitude. Ouais, d'accord. Bon, pour la météo de dimanche, donc dans la météo de l'ambiance, pour le matin, je vous annonce entre 20 et 22 degrés. D'accord. Et pour l'après-midi, c'est attention aux enfants, attention aux mamies, buvez beaucoup, parce que je vous annonce entre 30 et 33 degrés dans l'après-midi. Donc gardez-vous à l'ombre, buvez beaucoup, hein, et dans la nuit, je vous annonce entre 17 et 18 degrés dans la nuit. D'accord. Et moi, buvez beaucoup, hein, surtout, hein, restez pas sans boire. Exactement, hydraté, oui. Il faut toujours boire au moins, oui. Voilà, et surtout, mettez des casquettes pour les enfants. C'est ah, pour ça. Tout le monde. Voilà, et puis il y en a beaucoup qui prennent des parapluies pour se cacher du soleil. Eh bien oui, ça se fait, hein. C'est pas la pluie, mais bon. Mais faites attention parce que je pense et dans ce ciel, on va avoir un peu d'orage et quelques gouttes quand même pour se rafraîchir un peu. D'accord. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas que pour demain, c'est samedi, le 20e étape de la Tour de France 19. Donc, eh ben, ça commence à partir du 6 au 28 juillet avec les 176 coureurs qui vont s'affronter en plus de 3400 km. Donc, demain, à partir du 16, du 6 au 28. Et donc, il y aura à partir de plusieurs étapes à faire. Voilà, et c'est demain. En Belgique. Et puis aussi, il y a oublié ce dernier jour aussi à place du Mar 3 pour les baskets. Les grands concours de basket, pour les jeunes et tout ça, il y a le statut Jeanne d'Arc. Ah oui, t'as raison, j'y pensais. Voilà. Il y a plein de trucs de basket pour les jeunes, pour tout âge. Hein. Mmh. Donc il n'y a pas tous les jeunes. Hein. Donc il y a des personnes âgées qui vont quand même, qui font encore du basket, hein, j'en ai vu ce matin. c'est assez marrant quand même. D'accord. Mais c'est très très bien. Bon, ben, voilà. Et puis bon, et moi je dis à tous les auditeurs d'Orléans, à Arlène et puis à tout ça, Absoul, Trèvement aussi, et aux auditeurs du Maroc qui m'écoutent actuellement, qui nous écoutent. D'accord. Toi, Nico. Ah, merci. Vous écoutez sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tout le Maroc. Et puis à tout Orléans, et puis à tout le monde. Et à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Vivez et avec une bonne chaleur et agréable à l'Arc-en-Ciel. Voilà, d'accord. Et on continue la musique et on va faire un petit tour de l'accordéon. D'accord. Les plaisirs au sommet du bonheur. Dans la vallée du Reblochon, les hauts Savoyards vous diront: venez nous retrouver, venez rire et chanter. Le Reblochon, c'est la santé. Que ce soit au Grand Bornand, à la Cusa ou à Saint-Jean, ce fromage porte un nom, c'est le Reblochon. Autour de tourne la passion, c'est notre bon Reblochon. Dans la vallée, ils chanteront le Reblochon. Hey! Hey! Dans la vallée

n'aimas plus que moi. Mais toi, voudras-tu de moi? Jamais, jamais. Longtemps j'ai visité à cheval un beau pays où tout se fait à cheval. Voici donc qui s'appelle Jacques Pils. Tyrolienne, bien vont au café prendre un cordial à cheval. Les ménagères font la lessive à cheval et les poivrons sont toujours ivres à cheval. On entre dans les mairies, dans les boulangeries et même dans les théâtres, c'est normal à cheval. Mais quand vient le printemps, quand les papillons battent des ailes, les jeunes filles, les jeunes gens, comme ici sont tous pleins d'étincelles. De tous les garçons du pays à cheval, le plus costaud c'était Bobby à cheval. Il taquinait les filles, jouait à la manille, dans l'autobus grimpait à l'impérial à cheval. Un jour, je crois que c'était dimanche, Bobby trottait sur son bidet. Il avait sa chemise blanche, souliers vernis, chapeau fleuri. Il jouait de la guitare, l'air en chantant tout haut. Mais soudain, sans crier gare, voilà la petite Lily qui vient au grand galop. Sans s'occuper des gens qui passent à cheval, le garçon et la fille s'enlacent à cheval. Bobby lui dit je t'aime, Lily répond moi de même, et ils s'embrassent avec un air nuptial à cheval. Dit à l'église où le curé à cheval leur dit amen, vous êtes mariés à cheval. Et puis le ventre à terre, ils vont dans leur chaumière goûter enfin le bonheur conjugal à cheval. Et au printemps suivant, elle eut un enfant, quelle aventure! Et depuis tous les ans, ils en rajoutent un et une monture. Dans ce pays où tout se passe à cheval, quand y a un régiment qui passe à cheval, c'est la petite famille, parents, garçons et filles, qui vont à la piscine municipale à cheval. Si jamais vous passez par là à cheval, entrez donc car Bobby c'est moi à cheval. Et la petite famille, parents, garçons et filles, au grand galop vous emmènera au bal à cheval, au bal à cheval, au bal. Voici le son de Patrice et Mario avec la valse des montagnes et ses romans. Voici donc le duo Patrice et Mario. C'est la valse des montagnes que l'on danse tout là-haut. Dès qu'au loin vers la campagne, le berger reconduit ses troupeaux. C'est la valse des montagnes que répètent les échos. Elle appelle nos compagnes, car ce soir c'est la fête au hameau. Au printemps, parmi les chalets, la bruyère et la lavande, ça balance en guirlande pour la jolie sarabande. Il y a titou, titou, liloulé, et l'on chante à perdre haleine, la plus belle tyrolienne, lia titou, titou, lilé. C'est la valse des montagnes que l'on danse tout là-haut. Dès qu'au loin vers la campagne, le berger reconduit ses troupeaux. C'est la valse des montagnes que répètent les échos. Elle appelle nos compagnes, car ce soir c'est la fête au hameau. Dans le doux frisson et le tourbillon des fines dentelles, on rit aux éclats, murmurant parfois quelques bagatelles. Ce n'est pas sérieux, mais ce petit jeu en sorcelle. Chaque belle, peu à peu, de par deux, les cœurs s'éloignent, et bientôt sur le vallon, tandis que les mâts se joignent, le soleil paraît à l'horizon. Clochers dans la campagne, sonne, sonne, ding, dang, dong. montagnon qui marie les filles aux garçons. Femme qui pleure attend que votre main frôle avec douceur ses joues mouillées, ses mains d'un baiser léger, léger sécher ses pleurs. Serrez-la fort dans vos bras, cœur contre cœur. Une femme qui pleure attend de vous les mots qu'elle a dans le cœur. Connaissez-vous ces mots? À mi-voix, tout bas, dites-les-lui. Et vous verrez comment sourire une femme en pleurs. Une femme qui pleure a tant besoin de vous, son chagrin trompeur cherche l'amour, c'est tout. Le désir vient vous saisir, né de ses pleurs. En accord, corps contre corps, c'est le bonheur. C'est un appel brûlant, la clé de son cœur est dans vos mains souvent. Mais très fort, plus fort encore, il faut l'aimer. Et plus jamais vous ne verrez une femme pleurer. ton cœur et mes chansons. Cela fait sans raison de vivre pour s'aimer. Près de toi, dans la maison qui dort, je veux longtemps encore rêver, chanter. Mes chansons s'envolent vers l'amour et tournent alentour des rêves et des cœurs. Et j'irai chantant cueillir à chaque pas l'amour et les printemps. J'ai mis dans mes refrains, comme un collier d'or fin, l'étoile du berger et le soleil d'été, un saphir merveilleux, pris au bleu de tes yeux. Peux-tu rêver, cadeau plus beau, mon amour, ton cœur et mes chansons. Cela fait sans raison de vivre pour s'aimer. Près de toi, dans la maison qui dort, je veux longtemps encore rêver, chanter. Mes chansons s'envolent et tourne d'alentour des rêves et des cœurs. Et j'irai chantant cueillir à chaque pas l'amour et les printemps. Quartier latin, chaque matin, je suis toujours le même, même petit chemin. Je suis content d'être étudiant, de parcourir l'époque heureuse de mes 20 ans. Sur le boule miche, je ne suis pas riche, ça ne m'empêche pas de gambader comme un caniche. Même sans rien, je serai quelqu'un, dans mon quartier, dans mon petit coin, quartier latin. Quartier latin, les examens sont dans un mois, crénom d'un chien, ce n'est pas loin. Toutes les nuits, même dans mon lit, j'étudie les maths, l'histoire, la philosophie. Enfin voilà les résultats, je vois des noms qui dansent, oh quel émoi. Et puis soudain, voici le mien, mention très bien. Je suis quelqu'un, quartier latin. Quartier latin, on souffle un brin. Sur les boulevards, c'est un incessant va-et-vient. Les encriers sont fracassés, car un bonhomme s'est fait pour rire et pour chanter. Le ciel est bleu, on est heureux, et l'on trouve que toutes les filles ont de beaux yeux. Quartier latin, je te connais bien, adieu mon vieux, porte-toi bien. Quartier latin, c'est déjà loin, je t'avais quitté sans regret, tu te souviens. Quartier latin, mon vieux copain, c'est ridicule d'être ému comme un collégien. Je te demande pardon si je ne suis bon, si je ne suis bon maintenant. qu'à chanter des chansons. Quartier latin, je t'aime bien. De mes 20 ans, tu es l'écrin. Quartier latin. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour, bonjour encore, excusez-moi. Voilà, donc je voudrais passer une petite dédicace aussi d'un chanteur qui va peut-être te voir au mois de septembre à la rentrée. D'accord, c'est, on verra ça. C'est Depp PJ de Orléans, Dylan, qui va venir, qui est chanteur et qui a fait énormément de concours, concours de la bière, qui est premier et puis tout ça. D'accord. Énormément de trophées et puis tout ça aussi. Donc, je lui passe une petite dédicace de sa chanson à lui. D'accord. Hein, okay. Qui chante cette chanson. À quoi bon ? D'accord, mais comme je l'ai, comme ça on va l'écouter. Ah bah voilà, impeccable. Okay. Tac. Pour DPJ, à quoi bon ? Pas de souci, ça démarre. À quoi bon tous les matins, il n'y a que des chagrins. Je sais bien, je ne sers à rien. À quoi bon être un bon à rien, mieux vaut reprendre le chemin, recommencer sa vie plus loin. À quoi bon, à quoi bon vivre sur cette terre. À quoi bon avoir frère, à quoi bon. J'ai toujours fait de mon mieux pour rendre mes amis heureux. Je quitte tout, oui j'abandonne. Je n'intéresse plus personne. Pour toujours vouloir le bien, au fond ne partage rien. J'en ai rêvé la nuit, le jour, mais je n'ai pas trouvé l'amour. À quoi bon? À quoi bon vivre sur cette terre? À quoi bon un refaire? À quoi bon? Je pars avec seul bagage, mon cœur avide et mes mirages. Je garderai au fond de moi le regard bleu de Yasmina. Je sais ce que je vais devenir, ce que me réserve l'avenir. Rester misérable, voyageur, un mendiant ou un voleur. À quoi bon? À quoi bon vivre sur cette terre? À quoi bon? Il n'y a que des chagrins. la nuit, le jour. Mais je n'ai pas trouvé l'amour. À quoi bon? À quoi bon vivre sur terre? Radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc, je vous laisse avec deux titres de country différentes. Voici donc le country. So the story goes. Now or never. cause she can't fence time. And you can't stop love. Her prince pulled up a white pickup truck, plenty old enough, and you can't stop love. I know you can't fence time, and you can't stop love. Et oui, je vous dis à vous tous, les auditeurs, les auditrices, et bien sûr à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, et à tous les animateurs, et puis bien sûr à Orléans, et puis au Maroc. Et oui, je pars, ça y est, définitivement, je pars en vacances, voilà, au chaud, au Maroc, voilà. Donc, c'est pour vous faire des bonnes vacances à vous tous. Moi, c'est mon dernier vendredi, voilà, avec Nico. Voilà, et là, je veux quitter Nico, il va rester tout seul comme un grand garçon. Merci. Et puis, je fais un petit coucou à Seb. Bonjour à Seb. Donc, voici pour toi, Seb, pour avant que je parte en vacances, les Gypsy Keys. Et puis, par la suite, c'est Johnny Hallyday pour toi. Je te fais des gros bisous et je vous fais tous des gros bisous à vous tous. Et je vous souhaite tous des bonnes vacances. À bientôt. Et au mois de septembre, c'est mon dernier avis. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh ben moi aussi, je te dis bonsoir. Et puis, à plus. Oui, et puis je vous fais tous des gros bisous. D'accord. À merci. À bientôt. Bye-bye. À plus. Bye-bye. Por el amor de una mujer, Qu'est-ce que tu croyais? Il est formidable, je voudrais l'applaudir très fort. À la batterie, Walfredo. Walfredo Reyes Junior. Et toujours avec moi, fidèle, depuis maintenant plus de 20 ans. Pour vous, et aussi pour moi, mon ami Eric Bamy. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici donc Julie avec Michel Arnaud. N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe quand monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers aux tendres fluviaux. Et je vous défends, vilaine petite, nue dans la rivière au milieu du bourg, de dire aux pêcheurs je suis une truite, me pêche qui veut m'apprendre l'amour. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guille doux avant de prendre époux. Avec Ferdinand, vous n'êtes plus d'âge à vous trémousser folle sur ses genoux. En lui agaçant le bout des moustaches pour voir si ça pique ou bien si c'est doux. Et quand vous sentez son trouble, Julie, ne demandez pas d'un air innocent. Cousin, dites-moi si je suis jolie et si je fais plus de mes 18 ans. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la pâtisserie, de la tapisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guille doux avant de prendre époux. Un matin, Julie, blanche à la chapelle, devant la famille, vous direz ce oui qui vous livrera, timide gazelle, aux tendres assauts de votre mari. Dès le lendemain, vous serez tranquille, je ne serai plus là pour vous gronder. Vous pourrez alors, femme d'imbécile, prendre autant d'amants que vous le voudrez. Mais en attendant, les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guille doux avant de prendre époux. La Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand

il était redevenu tout triste. Ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Quelle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la... Voilà, donc il est 16h48, voilà, c'est sur ce morceau d'accordéon qu'on va se quitter et qu'on se va retrouver prochainement. Voilà, puis à partir de 18h, bien vous allez retrouver Manu pour l'émission tout simplement Découverte. Voilà, donc on se retrouve prochainement et je vous dis bonne fin d'après-midi, bonne soirée et je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. C'était si bon, sous le soleil chaud brillait la cascade, qu'on était bien sur le gazon. Quelle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte